c'est là que c'est bon, crois pas. Soit applique la demande, ce téléphone ou de papa. Non, non, non, fais pas genre, ou y'aime ça, ou c'est qu'on a point, soit nous da, ou squat par ici, par là. Tant qu'il dort pas, à moi, mi bec, donne ta. C'est là que c'est bon, mon dalle, on boit pas. Comment sont les bails là, il faut nous tirer la flemme tous les week-ends à nous, même il dorait la vie nous regrette. Tu vois des bails vite fait, texte les fouets d'insister, sinon un bon train bouffé, mec des dents sans hésiter. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon, mais s'il est bon, laisse tes dents. Red flasher, oui, OT. Red flasher, Red flasher, oui, mon coca. Red flasher, allons là, allons là. Bienvenue dans le tabac cosmos. Laisse la mettre à sa donnette tabac l'osmos. C'est vini, vini, vini, vini, vini, vini. Nous les en place, ils gomme. Et pour le reste, c'est en mode. Yes, faut fait gommer ma tante. Fait gommer, va fait gommer, n'a fait gommer ma tante. Ça me ça, et m'y fait l'intéressant. Et c'est là que c'est bon, mis les dents. Comment sont les bails là, il faut nous tirer la flemme tous les week-ends à nous, même il dorait la vie nous regrette. Tu vois des bails vite fait, texte les fouets d'insister, sinon un bon train bouffé, mec des dents sans hésiter. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon, mais s'il est bon, laisse tes dents. Red flasher, oui, OT. Red flasher, Red flasher, oui, mon coca. Red flasher, allons là, allons là. C'est que le souci, on débaille à soi, car à moi, il est dans l'ennui. Trouver un beau squat, histoire de tirer un peu l'ennui. Allez, qu'il est mis, pensez les poubarrés. Vive un mouvement, il s'agomme, pièce au moins, il est paré. Oulala, faut nous redonner, lalala, mon temps. N'en fais pas le VX, chambalala, ici, n'a plein de mode. Nous fais pas comme d'autres, Nike et NF7, les gars, nous fais pas mettre botte. Comment sont les bails là, il faut nous tirer la flemme tous les week-ends à nous, même il dorait la vie nous regrette. Tu vois des bails vite fait, texte les fouets d'insister, sinon un bon train bouffé, mec des dents sans hésiter. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon ma jao, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon, mais s'il est bon, laisse tes dents. Red flasher, oui, OT. Red flasher, Red flasher, oui, mon coca. Red flasher, allons là, allons là.